seul dans le désert, écrivant mes sincères. Je erre sur cette terre, avec qui ferais-je la paire? Journée HS, poussant les haltères, honorant la matière, sincère jusqu'à commentaire. J'ai vu leur visage, mon frère pâlir, d'un corps à un autre, les teintes se salir. J'ai compris que les contraires s'attirent, où la logique s'aimer pour souffrir, aimer ou mentir. Mentir à en pâlir. Dans ma tête y'a trop de questions. En moi j'ai la pression. Je ne sais pas où je vais. Je me pose trop de questions. Je dois trouver mon chemin. Du jour au lendemain. Je me sens perdu. Trouve ça hyper dur. Dans ma tête y'a trop de questions. En moi j'ai la pression. Je ne sais pas où je vais. Je me pose trop de questions. Je dois trouver mon chemin. Du jour au lendemain. Je me sens perdu, pour ça hyper dur. Écrivant jusqu'à 10h, reste en franc dans mes dissertes. Mes sentiments désertent, fier sous mes airs. Le visage sale et pâle, quand les larmes coulent, c'est le cœur qui parle. Loin d'être abattu ou abasourdi, tu dois y faire sourire. Trop de questions, peu de solutions. Intégriste et râleur, et dit formation. Peu de revenus de formation, illuminatini que les francs-maçons. Aucune logique, aucune solution. HLM pour une grande maison, et dans ma tête, y'a trop de questions. En moi j'ai la pression, je ne sais pas où je vais. Je me pose trop de questions, je dois trouver mon chemin. Du jour au lendemain, je me sens perdu, trouve ça hyper dur. Dans ma tête, y'a trop de questions. En moi j'ai la pression, je ne sais pas où je vais. Je me pose trop de questions. Je dois trouver mon chemin du jour au lendemain. Je me sens perdu, tout ça est perdu.